Scène 5e, Balliol Cottage, Dumfries, chapitre 1er. Dans la matinée du 3 novembre, à peu près vers 11h, la table du déjeuner à Balliol Cottage offrait cet aspect essentiellement peu consolant d'un repas à l'état de transition, c'est-à-dire d'un repas préparé pour deux personnes que l'une des deux a déjà pris et auquel l'autre n'a pas encore touché. Il faut un appétit véritablement courageux pour affronter sans une défaillance momentanée le spectacle des coquilles d'œufs écrasées, du poisson à demi dépouillé de sa chair et qui étale la moitié de son nid de squelette, des débris de pain au fond du plat, de la lie sucrée au fond de la tasse. C'est sans doute par une sage concession à ses humaines faiblesses, certainement dignes de pitié mais non de blâme, que les personnes chargées du service dans les lieux où le public se nourrit mettent une rapidité sympathique à dérober tous les vestiges du client qui vient de partir au regard du client qui vient d'arriver. Encore que son prédécesseur à table ait pu être la femme de son cœur ou l'enfant de ses entrailles, nul homme ne peut se trouver en présence des indices qui lui rappellent un repas récemment accompli, sans se sentir plus ou moins lésé par ce souvenir pénible, et sans que la pensée du mangeur disparu ne se mêle désagréablement à l'idée de sa propre réfection. Quelque impression de ce genre se fit jour dans l'esprit de Mr. Noel Vanstone au moment où, peu après le coup de 11h, il entra dans la salle à manger déserte du Balliol Cottage. Il fronça le sourcil en regardant la table et sonna ses gens d'un air dégoûté. « Emportez ces ordures !» dit-il quand la domestique parut. « Votre maîtresse est partie ?»« Oui, monsieur, depuis près d'une heure. »« Louisa est-elle en bas ?»« Oui, monsieur. »« Quand vous aurez nettoyé la table, vous ferez monter Louisa. » Il alla se placer à la fenêtre. L'irritation passagère qui s'était peinte sur ses traits s'effaça peu à peu, mais non sans laisser derrière elle les traces permanentes des souffrances intérieures d'un mécontentement mal dissimulé. À l'extérieur, depuis son mariage, il était changé à beaucoup d'égards, mais toujours en mal. Ses petites joues blêmes commençaient à se creuser, sa frêle structure se voûtait légèrement. La délicatesse qu'avait eue son teint n'existait plus. Il ne lui restait que sa pâleur maladive. Ses moustaches, fines et claires, n'étaient plus, comme jadis, roidies par la cire et retroussées par le fer. Leurs extrémités pendaient, comme un flasque duvet, au coin de ses lèvres plaintives. À ne les compter que d'après son aspect, les 10 ou 12 semaines écoulées depuis son mariage semblaient équivaloir pour lui à 10 ou 12 ans. Il s'appuya à la fenêtre, déchiquetant par un geste machinal le feuillage d'un pot de bruyère placé sur le rebord extérieur et fredonnant, sans aucun entrain, quelques vagues fragments d'un air oublié. La fenêtre dominait le courant de Lanith, sur un point où cette rivière s'infléchit à quelques milles avant Dumfries. Çà et là, par les brèches que l'hiver avait ouvertes dans les ombrages qui l'abordent, le regard pénétrait jusqu'aux vastes cultures d'une vallée peu profonde. Des barques passaient sur la rivière, et des charrettes, acheminées vers Dumfries, se traînaient pesamment sur la grande route. Le ciel était lumineux. Le soleil de novembre jetait autant de rayons que si l'année eût été plus jeune de 2 bons mois. Le paysage, enfin, renommé en Écosse pour son charme paisible, se présentait sous les meilleurs aspects que la saison d'hiver lui put laisser. Mais, selon toute apparence, eût-il été perdu dans le brouillard ou noyé de pluie, Mr. Noel Vanstone ne l'aurait trouvé ni plus ni moins attrayant. En cette heure de tristesse, il demeura près de la fenêtre jusqu'au moment où se fit entendre le coup léger qui annonçait l'arrivée de Louisa, puis il se tourna d'un air boudeur et lui dit d'entrer. « Faites monter, je n'entends rien à cette besogne. On me néglige ici, personne ne me sert. » La discrète Louisa exécuta silencieusement et d'un air soumis les ordres qui lui étaient donnés. « Votre maîtresse, reprit Mr. Vanstone, n'a-t-elle pas laissé avant de partir quelques messages pour moi ?»« Aucun message particulier, monsieur. Ma maîtresse a dit simplement que si elle retardait son déjeuner, elle n'arriverait pas à temps. »« Elle n'a dit que cela. »« En montant en voiture, monsieur, elle m'a dit encore qu'elle serait probablement de retour vers la fin de la semaine. »« En montant en voiture, paraissait-elle de bonne humeur ?»« Non, monsieur, il m'a semblé la voir très inquiète et mal à son aise. » « Avez-vous encore besoin de quelque chose, monsieur ?»« Je ne sais. Restez là une minute. » Il se mit à déjeuner d'un air mécontent. Louisa, toujours résignée, attendait au seuil de la porte. « Il me semble, » reprit-il avec une vivacité soudaine, « que dans ces derniers temps, votre maîtresse a été fort abattue. » « Ma maîtresse, en effet, monsieur, n'était pas très gaie. »« Que voulez-vous dire par ces mots, n'était pas très gaie ? Prétendriez-vous équivoquer ? Est-ce que je ne compte plus dans la maison ? Faut-il qu'on me cache tout ? Votre maîtresse espère-t-elle s'en aller ainsi à ses affaires et me laisser au logis comme un enfant, sans que je puisse même m'informer de ce qui la concerne ? Une domestique équivoquera-t-elle en me répondant ? Je ne veux pas qu'on équivoque avec moi, pas très gaie. Que voulez-vous dire avec votre « pas très gaie » ? Je voulais seulement dire, monsieur, que ma maîtresse n'était pas dans de très bonnes dispositions d'esprit. Et pourquoi, dans ce cas, ne pas vous exprimer ainsi ? La valeur des mots vous est-elle inconnue ? L'ignorance de la valeur des mots produit quelquefois les conséquences les plus terribles. Votre maîtresse vous a-t-elle dit qu'elle allait à Londres ? Oui, monsieur. Quand elle vous a dit cela, qu'avez-vous pensé ? N'avez-vous pas trouvé singulier qu'elle allait à Londres sans moi ? Je ne me suis pas permis, monsieur, de trouver cela singulier. Est-il encore quelque chose à quoi je puisse être bonne ? Veuillez me le dire, je vous prie, monsieur. Quel temps fait-il dehors ? Fait-il chaud ? Le soleil donne-t-il dans le jardin ? Oui, monsieur. Avez-vous vu vous-même le soleil donner dans le jardin ? Oui, monsieur. Allez chercher mon surtout, je ferai un petit tour. Le domestique l'a-t-il brossé ? Est-ce que vous avez vu vous-même le domestique le brosser ? Pourquoi dites-vous qu'il l'a brossé puisque vous ne l'avez pas vu ? Laissez-moi regarder les pans. S'il y a sur les pans le moindre grain de poussière, je mettrai cet homme à la porte. Aidez-moi à le passer. » Louisa lui passa les manches du vêtement et lui donna son chapeau. Il sortit d'un air fâché. Le surtout était ample. Il avait appartenu à son père. Le chapeau était ample. C'était un rebut que lui-même avait acheté d'occasion. Il était comme submergé dans ce chapeau et ce paletot. Il semblait singulièrement réduit, débile et misérable, tandis qu'il arpentait lentement, aux pâles clartés d'un soleil d'hiver, la grande allée du jardin. Elle allait en pente douce du chevet de la maison au bord de l'eau, dont le jardin était séparé par une palissade peu élevée. Après s'y être promené lentement pendant quelque temps, Noël Vanstone finit par s'arrêter au bas du jardin et, s'appuyant à la palissade, contempla vaguement le rapide courant de la rivière. Il songeait encore à ce que lui avait suggéré cette première question, que dans un mouvement d'impatience il avait adressé à Louisa. Et il ruminait encore par lui les circonstances dans lesquelles sa femme avait, ce matin-là, quitté le cottage, et le manque d'égard qu'impliquait envers lui ce départ précipité. Plus il songeait à ses griefs, plus vif était son ressentiment. Il était en effet capable d'une grande susceptibilité, lorsque venait à blesser la haute opinion qu'il se faisait de lui-même. Sa tête, peu à peu, s'inclina sur ses bras appuyés, nous l'avons dit, à la palissade, et dans un accès de sincère mortification, il poussa un soupir rempli d'amertume. À ce soupir répondit une voix qui s'élevait près de lui. « Avec moi, monsieur, vous étiez plus heureux, » disait cette voix, dont les accents exprimaient un regret presque tendre. Levant les yeux et poussant un cri, un véritable cri, dans le sens littéral du mot, le petit homme se vit en face de Mrs. LeCount. Mais d'abord, était-ce le spectre de cette femme ou cette femme en personne ? Ses cheveux avaient blanchi, son visage s'était affaissé, ses yeux, au-dessus de ses joues creuses et ravagées, jetaient, agrandis et brillants, des regards farouches. Elle était flétrie et vieillie. Ses vêtements, désormais trop larges, pendait en plis abandonnés autour de sa taille défaite. Pas une trace ne subsistait de sa florissante beauté d'automne. Une détermination tranquillement impénétrable, une voix toujours insinuante et douce, voilà tout ce que la maladie et la souffrance morale avaient laissé à Mrs. LeCount. « Tranquillisez-vous, monsieur Noël, » continua-t-elle avec douceur. « Ma vue ne doit point vous alarmer. Votre domestique, lorsque je vous ai demandé, m'a dit que vous étiez dans le jardin et je suis venu vous trouver ici. Si j'ai tâché de vous découvrir, monsieur, c'est sans la moindre rancune à votre égard, sans le moindre désir de vous affliger par l'ombre même d'un reproche. Je suis venu ici pour ce qui a toujours été, ce qui est encore la grande affaire de ma vie, c'est-à-dire pour vous être utile. » Il se remit un peu, mais sans pouvoir parler encore, il se cramponnait à la palissade et regardait effaré cette espèce d'apparition. « Tâchez, monsieur, de bien saisir ce que je vous dis, » continua Mrs. LeCount. « Ce n'est pas une ennemie, c'est une amie qui vient à vous. La maladie, la douleur, m'ont fait subir de rudes épreuves. De moi, rien n'a survécu, si ce n'est mon cœur. Mon cœur vous pardonne, et dans votre triste abandon, plus triste et plus dénué d'appui que vous ne le sentez encore, mon cœur fait de moi, comme par le passé, votre esclave fidèle. Prenez mon bras, monsieur Noël. Quelques pas au soleil vous aideront à vous remettre. » Elle lui prit la main qu'elle passa elle-même sous son bras et lui fit lentement remonter l'allée du jardin. Moins de 5 minutes après s'être ainsi replacée vis-à-vis de lui dans les conditions d'autrefois, elle l'avait complètement reconquis et revendiquait ses anciens droits. « Redescendons à présent, monsieur Noël, disait-elle. Redescends sans nous hâter sous ce beau soleil. J'ai bien des choses à vous dire, monsieur, auxquelles vous ne vous attendez guère de ma part. Mais d'abord, souffrez une petite question d'intérieur. On m'a dit à la porte que Mrs. Noël Vanstone était partie pour un voyage. Ce voyage doit-il durer longtemps ?» La main de son maître trembla sur le bras de Mrs. LeCount lorsqu'elle lui adressa cette question. Au lieu d'y répondre, il tenta une faible apologie. Les premières paroles qui lui échappèrent lui furent dictées par le premier sentiment dont il eut la conscience un peu nette, le sentiment qu'il était désormais à la discrétion de sa femme de charge. Il essaya de faire sa paix avec Mrs. LeCount. « J'ai toujours entendu faire quelque chose pour vous, » lui dit-il d'un ton caressant. « Avant longtemps, vous auriez eu de mes nouvelles. Je vous en donne ma parole, LeCount. Vous auriez entendu parler de moi d'ici à peu. » « Je n'en doute nullement, monsieur, » répondit Mrs. LeCount, « mais pour le moment, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Parlons de vous d'abord et de ce qui vous intéresse. »« Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? » demanda-t-il, lui jetant un regard de surprise. « Comment êtes-vous parvenu à me découvrir ?»« C'est une bien longue histoire, monsieur. Je vous la raconterai une autre fois. Il nous suffit pour le moment de savoir que je vous ai découvert. »« Mrs. Noël rentrera-t-elle aujourd'hui chez vous ?» « Un peu plus haut, monsieur. C'est tout au plus si je puis vous entendre. Là, là, doucement. Elle ne revient pas avant la fin de la semaine. Et où est-elle allée? À Londres, disiez-vous? Dans quel objet? » « Je n'interroge pas, monsieur Noël. Pour le plaisir d'interroger, je vous fais, sous le coup d'une impérieuse nécessité, des questions sérieusement indispensables. Pourquoi votre femme vous a-t-elle laissé ici? Pourquoi est-elle allée à Londres toute seule ?» Au moment où elle posa cette dernière question, ils étaient redescendus jusqu'à la palissade et ils s'étaient arrêtés, s'appuyant contre elle, pendant que répondait Noël Vanstone. Les protestations réitérées de son ancienne femme de charge commençaient à le rassurer, et du moment où il pensa n'avoir plus à craindre son ressentiment, il reprit sans peine l'habitude qu'il avait toujours eue de lui adresser ses éternelles jérémiades. C'était chez lui un besoin inné de faire connaître ainsi ses griefs à tout le monde, et il y cédait, le matin même, en déjeunant, lorsque nous l'avons vu révéler à la suivante de sa femme les souffrances de son amour-propre froissé. « Je ne puis répondre de ce que fait Mrs. Noël Vanstone, » dit-il avec une certaine amertume. « Mrs. Noël Vanstone ne m'a point traité avec les égards qui me sont dus. Regardant ma permission comme m'accordée d'avance, elle m'a tout simplement prévenu qu'elle se rendait à Londres pour y voir ses amis. » Elle est partie ce matin sans me dire adieu. Elle agit à sa guise comme si je n'existais pas. Elle me traite comme un enfant. Ceci, LeCount, va peut-être vous sembler incroyable, mais je ne sais pas même qui sont ses amis. On me laisse tout ignorer. J'en suis réduit à conjecturer, à part moi, qu'elle va revoir à Londres son oncle et sa tante. Mrs. LeCount, mieux éclairée par les renseignements qu'elle avait obtenus à Londres, envisageait autrement la question, et arriva bien vite à la conclusion la plus certaine. Après avoir d'abord écrit à sa sœur, Magdalene, maintenant, selon toute probabilité, venait de prendre le même chemin que sa lettre. On ne pouvait guère douter que les amis de Londres auxquels sa visite était destinée ne fussent sa sœur et Miss Garth. « Il ne s'agit ni d'oncle ni de tante, » reprit Mrs. LeCount fort tranquillement. « Laissez-moi vous l'apprendre à votre usage particulier. Son oncle et sa tante n'existent pas. » Encore un tour d'aller, avant que je m'explique plus complètement. Encore un petit tour qui achève de vous calmer. » Elle le prit de nouveau sous son escorte et le ramena du côté de la maison. « Monsieur Noël, » dit-elle, l'arrêtant tout à coup au milieu de l'allée, « savez-vous quel a été le tort le plus grave que vous vous soyez fait à vous-même depuis que vous êtes au monde. Je vais vous le dire, c'est de m'avoir fait partir pour Zurich. » La main du petit homme trembla de nouveau sur le bras de Mrs. LeCount. « Ce n'est pas moi, » s'écria-t-il d'un ton lamentable. « Mr. Bygrave est l'auteur de tout ceci. » « Vous reconnaissez, monsieur, que Mr. Bygrave m'a trompé, » continua la femme de charge. « Je suis vraiment ravi de vous entendre parler ainsi. Vous n'en serez que mieux à même de faire une découverte qui doit suivre celle-ci. Et cette découverte, c'est que Mr. Bygrave vous a trompé, vous aussi. Il n'est pas là, maintenant, pour me glisser entre les doigts, et je ne suis pas ici comme de Halborough, dénué de toute preuve. Oh non, Dieu merci !» Cette exclamation dévote passa frémissante entre ses dents serrées. Toute la haine que lui inspirait le capitaine Raig sembla jaillir de ses lèvres avec le sifflement de la dernière syllabe. « Ayez la bonté, monsieur, reprit-elle, de tenir un des côtés de mon sac de voyage pendant que je l'ouvrirai pour en tirer quelque chose. » L'intérieur du sac laissa voir une série de papiers pliés avec soin, rangés en bon ordre et numérotés à l'extérieur. Mrs. LeCount en prit un, et refermant le sac, fit claquer fortement le ressort qui lui servait de serrure. Pendant notre séjour d'Halborough, monsieur Noël, je n'avais en ma faveur, lui fit-elle observer, que le poids de mon opinion personnelle. Mon opinion ne comptait guère contre la jeunesse et la beauté de Miss Bygrave, contre l'esprit inventif de son soi-disant oncle. Pour combattre votre engouement, il fallait des preuves, et dans ce temps-là, je n'en avais pas. Je m'en suis procuré depuis lors. J'en suis armé, hérissé de pied en cap. Aussi vais-je rompre le silence auquel j'étais réduite, et mes paroles auront toute la valeur des preuves que j'apporte. Connaissez-vous cette écriture, monsieur ? Il recula devant le papier qu'elle lui tendait. « Je ne comprends pas bien tout ceci, » disait-il assez mal à l'aise. « Je ne sais où vous voulez en venir, ni ce que vous voulez dire. » Mrs. LeCount, lui forçant la main, l'obligea de prendre le papier. « Vous saurez ce que je veux dire, monsieur, » reprit-elle, « si vous consentez à me prêter un moment d'attention. Le lendemain de votre départ pour St. Crux, je parvins à pénétrer chez Mr. Bygrave et à me procurer un entretien particulier avec sa femme. Cet entretien me fournit des moyens de vous convaincre que je cherchais vainement depuis maintes et maintes semaines. Je vous écrivis une lettre pour vous en avertir. Je vous écrivis que j'abdiquais ma place auprès de vous et toutes les espérances que je fondais sur votre générosité si je ne parvenais pas, une fois revenu de Suisse, à vous démontrer que mes soupçons relativement à Miss Bygrave étaient la vérité même. Je vous adressai ma lettre à St. Crux et je la mis moi-même à la poste. « Lisez maintenant, monsieur Noël, ce papier que je vous ai forcé de prendre. C'est l'affirmation écrite de l'amiral Bartram que ma lettre est parvenue à St. Crux et que, sur votre demande expresse, il vous l'a renvoyée dans une enveloppe au nom de Mr. Bygrave. Et maintenant, Mr. Bygrave, vous a-t-il jamais remis cette lettre ? Ne vous agitez pas, monsieur. Un mot suffit à la réponse que je vous demande, oui ou non. » Il lut ce que contenait le papier et leva sur elle des yeux où l'ébahissement et la crainte semblaient grandir à chaque seconde. Elle attendit obstinément qu'il parlât. « Non, » dit-il d'une voix faible, « je n'ai jamais reçu cette lettre. »« Première preuve, » s'écria Mrs. LeCount, reprenant le papier qu'elle replaça dans le sac. « Passons à une seconde, si vous voulez bien le permettre, avant d'en venir à des choses encore plus graves. » « Je vous ai remis, monsieur, » pendant que nous habitions encore Halborough, le signalement écrit d'une personne dont je ne vous faisais pas connaître le nom, et je vous demandais de comparer ce signalement à l'extérieur de Miss Bygrave, la première fois que vous vous trouveriez avec elle. Après avoir d'abord montré ce signalement à Mr. Bygrave, inutile de le nier maintenant, monsieur Noël, votre ami de North Shingles n'est plus ici pour vous prêter secours. Après avoir d'abord montré ma note à Mr. Bygrave, vous fîtes la comparaison requise, laquelle se trouva fautive par son détail le plus essentiel. Dans la description que je vous donnais de l'inconnu, étaient mentionnés deux petits signes placés l'un près de l'autre sur le côté gauche du cou. Et quand vous regardâtes le cou de Miss Bygrave, vous n'y vîtes pas trace de ces deux petits signes. Mon âge, monsieur Noël, me permettrait de vous avoir pour fils. Oserais-je vous demander, malgré l'inconvenance apparente de cette question, ce que vous savez actuellement par rapport au cou de votre femme? Elle le dévisageait avec une impitoyable curiosité. Il recula de quelques pas, intimidé par ses yeux ardents. « Je ne puis dire, » bégayait-il. « Je ne sais pas. Que signifient toutes ces questions? Je n'ai plus songé à ces signes. Jamais je n'y ai regardé. Elle porte ses cheveux fort bas. » « Et à bon escient, monsieur, » remarqua Mrs. LeCount. « Mais avant d'en finir là-dessus, nous trouverons moyen de soulever cette chevelure propice. Quand je suis venu vous trouver dans ce jardin, j'ai aperçu, par la fenêtre des cuisines, une jeune personne bien mise qui m'a paru être une femme de chambre. Serait-ce par hasard celle de votre femme ? Pardon, monsieur, est-ce oui que vous avez répondu ? En ce cas, permettez-moi une autre question. Est-ce vous ou votre femme qui l'avez arrêtée ? C'est moi qui, pendant que j'étais à l'étranger. N'est-il pas vrai, pendant que j'ignorais absolument, et que vous prissiez femme, et qu'il vous fallut une femme de chambre ? Oui. Dans ces circonstances, monsieur Noël, vous ne pouvez me soupçonner en aucune façon de vouloir vous tromper en me servant de cette jeune fille. Rentrez, monsieur, pendant que je reste ici. Demandez à la femme qui, deux fois par jour, donne ses soins aux cheveux de Mrs. Vanstone, si sa maîtresse un signe quelconque sur le côté gauche de son cou, et le cas échéant, quel est ce signe ? Il fit quelques pas vers la maison sans articuler un mot, puis s'arrêta et tourna la tête du côté de Mrs. LeCount. Ses yeux, d'ordinaire clignotants, semblaient raffermis, et son blême visage avait pris tout à coup une expression plus calme. Mrs. LeCount s'avança vers lui. Elle avait constaté ce changement, mais si bien qu'elle connut son maître, elle ne savait trop comment en interpréter le véritable sens. « Est-ce un prétexte qu'il vous faut ? » demanda-t-elle. « Seriez-vous embarrassé d'expliquer à la suivante de votre femme la question que je lui adresse par votre bouche ?»« On trouve facilement des prétextes quand il s'agit de personnes placées comme elle l'est. Dites, par exemple, que j'ai apporté ici la nouvelle d'un legs fait à Mrs. Vanstone et qu'il faut faire constater son identité avant qu'elle puisse toucher son argent. » Elle lui montra la maison. Il parut ne tenir aucun compte de ce signe impératif. Son visage pâlissait de plus en plus. Sans bouger ni parler, il restait debout et la regardait. « Auriez-vous peur ?» demanda Mrs. LeCount. Cette interpellation le ranima. Ses paroles allumèrent en lui à la fin une étincelle de virilité. Il se retourna vers elle comme un mouton faisant face à un chien. « Je ne veux ni question ni ordre !» s'écria-t-il, saisi d'un tremblement violent et comme effrayé de son propre courage. « Je ne veux plus ni menace ni mystification. Comment m'avez-vous découvert ici ? Que signifie cette arrivée, ces insinuations mystérieuses ? Qu'avez-vous à dire contre ma femme ?» Mrs. LeCount ouvrit tranquillement le sac de voyage et, prévoyant une crise, en retira son flacon d'odeur. « Vous m'avez parlé un langage clair et net, » dit-elle. « Ma réponse, monsieur, sera claire et nette. » « Votre colère va-t-elle jusqu'à vous rendre sourd ?» Malgré qu'il en eût, la physionomie et la voix de cette femme lui faisaient peur. Le courage commençait de nouveau à lui manquer, et quelques efforts qu'il fit pour la raffermir, sa voix tremblait quand il reprit la parole. « Répondez-moi » disait-il, « et répondez-moi sur le champ. »« Vous serez obéi à la lettre, monsieur, » reprit Mrs. LeCount. « Je suis venu ici dans un double objet. » Pour vous ouvrir les yeux sur votre propre situation, et pour sauver votre fortune, votre vie peut-être. Quant à votre situation, voici ce qu'elle est. Miss Bygrave vous a épousé sous de faux dehors et sous un nom supposé. Pouvez-vous raviver vos souvenirs ? Pouvez-vous vous rappeler la femme travestie qui vous menaçait à Vauxhall Walk ? Eh bien, cette femme, aussi vrai que me voici devant vous, cette femme est à présent la vôtre. Il la regardait sans pouvoir ni parler ni respirer, les lèvres béantes, les yeux hagards. La soudaineté de cette révélation avait dépassé le but que se proposait la femme de charge. Elle l'avait plongée dans une stupeur insensée. « Ma femme ? » répéta-t-il avec un éclat de rire idiot. « Votre femme ? » répéta Mrs. LeCount. Devant ces deux mots, prononcés pour la seconde fois, le petit homme sentit se détendre ses facultés, soumise à une trop rude épreuve. Une pensée venait de poindre, toute nouvelle pour lui, dans les ténèbres de son intelligence. Ses yeux s'arrêtèrent sur Mrs. LeCount avec une alarme furtive et il recula précipitamment. « Folle !» se disait-il. tout à coup rappelé au souvenir de ce que Mr. Bygrave lui disait naguère dans Aldborough, et cette conviction était confirmée en lui par l'étrange altération qu'il ne pouvait s'empêcher de constater sur le visage de la femme de charge. Il avait articulé à voix basse le mot qui traduisait sa pensée, mais Miss Lecount l'entendit. L'instant d'après, elle était à ses côtés, le touchant presque. Pour la première fois, elle n'était plus maîtresse d'elle-même, et par un geste violent, elle lui saisit le bras. « Voulez-vous, monsieur, mettre ma folie à l'épreuve ?» Il se dégagea de son étreinte. Il recommençait à puiser quelque courage dans le sentiment d'incrédulité sincère auquel il venait d'obéir. Et ce courage lui faisait affronter les assertions persistantes au moyen desquelles elle semblait vouloir le convaincre. « Oui, répondit-il, et que dois-je faire ?»« Ce que je vous ai dit, répliqua Mrs. Lecount, adressez à cette femme de chambre sur le champ la question relative à sa maîtresse. Et si elle vous dit que les signes existent, faites encore une chose. Emmenez-moi dans la chambre de votre femme, et une fois là, de vos propres mains, en ma présence, vous ouvrirez sa garde-robe. « En quoi sa garde-robe peut-elle vous servir ? » demanda-t-il. « Vous le saurez quand vous l'aurez ouverte. Voilà qui est bien étrange, » se disait-il d'un air préoccupé. « Ceci ressemble à une scène de roman et nullement aux réalités de la vie. » Il rentra lentement à la maison et Miss Lecount l'attendit dans le jardin. Après une absence de quelques minutes, il reparut au sommet du perron qui, de la maison, descendait dans le jardin. D'une main, il s'accrochait à la rampe de fer, tandis que de l'autre, il faisait signe à Mr. Lecount de venir le rejoindre. « Que dit cette fille ? » demanda-t-elle en arrivant près de lui. « Le signe s'y trouve-t-il ? » « Oui, » murmura-t-il la voix basse. Ce que lui avait dit la femme de chambre venait de produire en lui un changement notable. L'horreur de la découverte qu'il allait être appelé à constater paralysait déjà son intelligence. Ses mouvements étaient ceux d'une machine sans âme, sa physionomie, son langage, ceux d'un homme qui rêve. « Voulez-vous prendre mon bras, monsieur ?» Il secoua la tête et la précédant le long du corridor, la précédant encore sur l'escalier, il conduisit Miss Lecount dans la chambre de sa femme. Lorsqu'entrée après lui, elle eut refermé la porte, il demeura dans une attitude passive, attendant pour ainsi dire ses ordres, sans faire la moindre remarque, sans manifester la moindre surprise. Il n'avait ôté ni son chapeau ni son surtout. Mrs. Lecount l'en débarrassa. « Merci, » lui dit-il avec la docilité d'un enfant bien élevé. « Ceci ressemble tout à fait à une scène de roman, nullement aux réalités de la vie. » La chambre à coucher n'était pas très grande. Le mobilier, aux formes lourdes, datait de bien des années. Mais dans les menus embellissements qui rendaient plus gracieux et plus vivant l'aspect de cette pièce si vulgaire, on retrouvait partout la trace de ce goût naturel, de cette élégance innée qui caractérisait Magdalène. Dans l'air rafraîchi planait un vague parfum de roses séchées. Mrs. Lecount huma ce parfum avec un froncement de sourcils tout à fait hostile, et ouvrant la fenêtre à deux battants, « Pouah !» dit-elle avec un frisson de vertueux dégoût. C'est une atmosphère de fraude. Elle s'assit alors auprès de la croisée. L'armoire à robe était appliquée contre le mur en face et le lit contre la paroi latérale à droite de Mrs. Lecount. « Ouvrez la garde-robe, Monsieur Noël, » lui dit-elle. « Je n'en approche pas, je n'y touche rien, comme vous voyez. Prenez vous-même les robes et posez-les sur le lit. Prenez-les, l'une après l'autre, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. » Il lui obéit. « Je ferai de mon mieux, » disait-il. « J'ai les mains glacées et la tête comme si j'allais m'endormir. » Les robes qu'il fallait retirer n'étaient pas en grand nombre, car Magdalène en avait emporté plusieurs avec elle. Après en avoir déposé deux sur le lit, Noël Vanstone, pour en découvrir une troisième, fut obligé de fouiller au fin fond de la grande armoire. Quand il l'eut ramenée au grand jour, Mrs. Lecount lui fit signe de s'arrêter. Le but venait d'être atteint. Il avait trouvé lui-même la robe d'alpaga brun. « Posez-la sur le lit, monsieur, » dit Mrs. Lecount. « Vous allez trouver au bas un double volant. Soulevez celui de dessus et faites passer l'autre entre vos doigts, pouce par pouce. Si vous arrivez à un endroit où manque un morceau d'étoffe, arrêtez-vous, je vous prie, et regardez-moi. » Il soumit lentement à l'épreuve dite. Pendant une minute ou deux, le volant révélateur, puis il s'arrêta, levant les yeux. Monsieur Lecomte exhiba son portefeuille et l'ouvrit. « Chacune des paroles que je vais prononcer, monsieur, disait-elle, est pour vous et pour moi de la plus haute importance. Suivez-les avec la plus grande attention. » Lorsque la femme qui prenait le nom de Miss Garth vint nous voir à Vauxhall Walk, je me glissai à genoux derrière le fauteuil où elle était assise, et dans le vêtement qu'elle portait, je découpai un fragment qui devait m'aider à reconnaître ce vêtement si je le revoyais jamais. J'exécutai ceci, tandis que l'attention de cette femme était absorbée tout entière par la conversation qu'elle avait avec vous. Depuis lors jusqu'à ce jour, le morceau d'étoffe est resté dans mon portefeuille. Voyez par vous-même, monsieur Noël, si c'est celui qui manque à cette robe que vos propres mains viennent d'aller prendre au fond de la garde-robe de votre femme. » Elle se leva et vint déposer sur le lit le morceau d'étoffe en question. Aussi bien que le lui permit le tremblement de ses doigts, il l'adapta au vide pratiqué dans le volant. « Est-ce bien cela, monsieur ?» demanda Mrs. Lecount. La robe était tombée des mains de Mr. Noel Vanstone, et cette pâleur bleuâtre de mortel augure, contre laquelle tout médecin chargé de le soigner avait mis en garde sa femme de charge, s'épandit lentement sur son visage. Mrs. Lecount n'avait pas calculé que ces questions dussent obtenir une réponse pareille à celle qui se lisait maintenant sur ses joues. Elle se rapprocha de lui en toute hâte, son flacon de sel à la main. Quant à lui, se laissant tomber sur ses genoux, il saisit sa robe avec l'énergique étreinte d'un homme qui se noie. « Sauvez-moi » murmura-t-il, haletant et d'une voix enrouée à laquelle manquait le souffle. « Oh, je vous en supplie, Lecount, sauvez-moi !»« Je vous le promets, » dit Mrs. Lecount. « Je suis ici avec les moyens et le dessein bien arrêté de vous sauver. Quittez la place où vous êtes. Rapprochez-vous du grand air. » Tout en parlant, elle le soulevait et le menait, traversant la chambre, jusqu'à la croisée. Sentez-vous, par hasard, quelque retour de cette angoisse que vous éprouviez de temps en temps au côté gauche ? Lui demanda-t-elle, avec les premiers symptômes d'inquiétude qu'elle eut encore laissé paraître. Votre femme a-t-elle ici de l'eau de Cologne, des sels, quoi que ce soit, enfin ? Ne vous fatiguez pas à parler, montrez-moi l'endroit. Il désigna une petite armoire triangulaire, en bois de noyer tout mangé des vers, fixée assez haut dans un coin de la chambre. Mrs. Lecount voulut ouvrir ce meuble. Elle le trouva fermé à clé. Au moment où elle venait de s'en apercevoir, elle vit la tête de son maître s'affaisser graduellement sur le dos du fauteuil où elle l'avait assis. La sentence prononcée autrefois par le médecin, « Si jamais vous lui laissez perdre connaissance, tenez-le pour mort », lui revint à la mémoire comme si ses paroles n'eussent eu que 24 heures de date. Elle regarda une fois encore du côté de l'armoire. Au-dessus de ce meuble, dans une espèce de placard, on entrevoyait certains bouts de corde laissés là sans doute en vue de quelque emballage. Sans hésiter un instant, elle saisit un de ces morceaux de corde, noua solidement l'une de ses extrémités au bout de l'armoire, et saisissant l'autre bout à deux mains, lui imprima de toutes ses forces une secousse violente. Le bois, à moitié pourri, ne put résister. L'armoire s'ouvrit à deux battants, et une multitude de petits objets se répandit à grand bruit sur le parquet. Sans prendre garde à la porcelaine, aux cristaux brisés à ses pieds, elle plongea son regard dans les obscures profondeurs de la petite armoire et y vit reluire deux flacons de verre. L'un était tout au fond de la tablette, l'autre, plus en avant, cachait en partie le premier. Elle les saisit tous deux du même mouvement et les emporta vers la fenêtre, un dans chaque main, pour déchiffrer les étiquettes sous un jour plus vif. Le flacon qu'elle tenait dans sa main droite fut le premier qu'elle regarda. L'étiquette portait « sel ammoniaque ». Elle déposa aussitôt l'autre flacon sur la table sans même y jeter un regard. Cet autre flacon resta là, comme s'il attendait que son tour fût venu. Il renfermait une liqueur foncée et l'étiquette portait ce seul mot « poison ».